19-23, activation orale, le passé composé. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Vous allez vous spécialiser en physique nucléaire? Et vous dites? Non, nous avons choisi l'être. Allons-y. 2. Tu vas te spécialiser en chimie? Non, j'ai choisi l'être. 3. Il va faire de la biologie? Non, non, il a choisi l'être. 4. Ils vont faire des sciences? Non, ils ont choisi l'être. 5. Vous allez vous spécialiser en astrophysique, vous deux? Oh non, nous avons choisi l'être.